Le club de la bonne musique. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Le club, laissez parler vos envies. Voilà le club. Non, je disais le public a trié sur le volet, hein, ça se voit. Ah oui. Le club présenté en direct par notre ami Julien. Ouais. Plus les parties s'enchaînent, plus on est nombreux, plus la folie est folle. La folie est folle. Ouais, c'est ça la jet set. C'est ça la jet set. Ouais. Et également Jack. Merci, c'est gentil, bravo. Ça fait plaisir. Pour, attention, juste après ce petit indicatif, un sommaire de fou, et je dirais même plus de ouf. Le club, l'émission la plus VIP de la bande FM. Alors, le sommaire... VIP, ça veut dire que tu l'écoutes ni en charentaise, ni en pyjama, ok? Merci. D'accord. Il parle un peu beaucoup, le monsieur. Il parle beaucoup, il prend notre place. Il n'y a pas de générique pour le sommaire. Il n'y a pas de générique pour le sommaire? Bah non. Non ? Vas-y, balance. Sommaire de l'émission, troisième partie. Alors, pour la troisième partie, qui est une partie de folie, il y aura du côté de la FM, qui est une rubrique vraiment intéressante, l'interview du club, qui est l'interview de... L'interview du club, qui est l'interview de... Très bien. Voilà. Ça sera une... On verra, ça... ça... On là, également, la phrase du jour, qu'il faudra essayer de caser demain. Ah, hein. Ça, on l'a, la phrase du jour. Hein, il faudra la caser demain, c'est ça ? C'est ça, le jeu ? C'est ça le jeu, il faut la caser demain dans une conversation. Voilà, caser la phrase du jour demain, ça va être dur. C'est hein, nouveau concept. La phrase du jour, donc c'est un artiste qui l'a dit, on l'a récupéré, on l'a mis en son et on va vous la diffuser d'ici quelques instants. Oui, mais on peut lancer un défi, ressortir la phrase du jour dans une conversation. Moi, personnellement, ça me poserait des problèmes. Sans que la personne se rende compte, la personne à qui on parle, sans que la personne se rende compte que c'était la phrase du jour. Bah Julien, je te laisse l'initiative. Et puis également un sketch. Puisque vous avez grandement apprécié le dernier. Le dernier sketch qui était et bien. Et puis un canular téléphonique qui a été préparé. Je dirais que le canular téléphonique, c'est ce qu'il faut surtout ne pas rater. Donc, voilà. Et celui-là ne l'est pas apparemment. Éteignez vos télés, éteignez tout, sauf la radio évidemment. Et restez jusqu'au canular parce qu'il est énorme. Le canular, c'est vraiment le petit plus, la petite cerise sur le gâteau. On se quitte là, mais vraiment pour pas très longtemps, avec Jamiroquai, Virtual Insanity. Et puis, Julien, bon titre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à sortir la parabole parce que nous allons devoir capter d'autres radios. Wouh. Donc, je te laisse la technique. Installer la parabole. Jamie arrive avec son Virtual Insanity et nous, on se retrouve derrière. On va dans un pays exotique encore écouter, espionner les autres radios. Technology, oh man. Bon, on l'entend pas bien, mais il dit le club. Le club. De retour dans le club. Merci, c'est gentil. C'est du bon jingle. C'est du synthétique. C'est du vrai, du pur. Vous êtes en compagnie de Julien et de Jack, moi-même, pour la rubrique très attendue. La rubrique concernant Julien. La FM en Chine. Alors, on vous explique le principe de cette rubrique du côté de la FM. On va espionner d'autres radios à travers le monde, là, à travers l'Europe, à travers hors nos frontières nationales. Et évidemment, là aujourd'hui, on va se brancher sur une radio chinoise. Je sais pas si ça marche, hein. Chaque fois, c'est du direct. Ça peut très bien capoter, ça peut très bien réussir. Ça, c'est ça fait quand même 2 semaines qu'on étudie cette radio grâce à notre super parabole. En plus d'une très bonne réception de cette radio, on a l'accent maintenant. Bah oui, mais tu as étudié l'accent. Bah ouais. On va où? Dans quelle ville? On va à Guangdong, en Chine. Guangdong. Je regarde sur ma fiche parce que j'ai une fiche également. Donc, tu dis Guangdong, je dirais Guangdong comme toi. Guangdong. Donc tu nous en parleras, c'est une province de Chine et la radio se trouve à Guangdong, ça s'appelle... Et donc c'est ZHBS Zhuai Radio. Zhuai Radio, Zhuai. Station de Guangdong, voilà. Eh ben, est-ce qu'on y va? Bon, on en parle peut-être un petit peu avant ou... Tu veux en parler un petit peu avant? Voilà, quand même la province de Guangdong. D'accord, on va parler de la province de Guangdong avant de se connecter à cette radio. Et puis, petit moment intercalaire musical, évidemment. La FM en Chine. Présenté par Julien. De Guangdong. Alors, Guangdong. Et donc, la province de Guangdong est à la fois bordée par la mer, située à côté des régions du centre de la Chine, bénéficie de conditions géographiques favorables et de communications aisées. Dans ces régions fertiles, collines et plaines s'entremêlent, fleuves et lacs se rejoignent, paysages et sites pittoresques abondent. Les rivières et les arbres fruitiers produisent abondamment et la pêche est florissante. Non vraiment, cette bonne province de Guangdong, c'est de la balle. C'est de la balle. Comme dirait un collègue avec des dents en métal. Ah oui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le guide Déroutard en vélo qui l'écrit, car rappelons-le, les Chinois sont les rois de la pédale. Avec plus de 3 milliards de vélos, c'est en Chine qu'on s'échine le plus à pédaler. Bien vu le jeu de mots. Ah oui, très des bon, jeux de mots, c'est recherché pendant un mois, ça fait un mois que je le recherche. C'est en Chine qu'on s'échine. Voilà. D'accord. C'est beau. Mais c'est magnifique. Donc, quelques petits chiffres avant ou après? Quelques petits chiffres sur Guangdong? Bah, allez, quelques petits chiffres, puis après on... Oh, juste après. Disons là, on va écouter la radio parce que je pense que les auditeurs en veulent en savoir plus et veulent. Oui, oui, oui. On va se rendre sur la radio. Tu as bien installé le satellite? Ah, vas-y. La connexion est bonne. La petite vis là qui dépasse, tu l'as. Joup, voilà, c'est bon. Alors, on va voir si ça marche. Je sais pas, aux essais, ça a marché. On est en direct sur Guangdong. J'espère que vous parlez chinois parce que sinon vous allez être un peu largué. J'espère que le son est bon. Attention, appuyez sur le bouton clic et piquez. Clic. 所敬仰，他始终不渝的拥护中国共产党的领导，对祖国和人民怀着无限的忠诚与热爱，对文学事业不懈的耕耘与追求。他胸怀宽广、坦荡无私，具有坚强的意志和旺盛的生命活力。他是广大文艺工作者的楷模和典范。 昨天是文坛巨擘巴金的生日，上海人民以不同形式来庆祝巴金的生日。请听中央台记者钱杰、吴善良的报道。我拿个traducteur。巴金所在的华东医院，医护人员特意为巴金编了一张由100个千层的中国结组成的中国结网。 Et on est en direct là, c'est quand même un moment de radio. Du côté de la FM, on espionne une radio chinoise. On a l'habitude, hein. J'espère qu'on va pas avoir de problème. Tu voulais me citer quelques chiffres pendant qu'on baisse légèrement la radio? Ils étaient en train de parler de la population totale, si j'ai bien compris. Écoute, attends, j'ai pas entendu. Attends. Ouais. Tu vois là, finalement ça revient. Voilà. Donc. Quelques chiffres sur Guangdong. Je pense qu'on a compris. On interrompt l'expérience. On se déconnecte. On se refera un petit plaisir tout à l'heure. Guangdong. Au revoir. Voilà. Eh ben, on revient en France. Ça fait plaisir. Alors, quelques chiffres sur Guangdong. Par contre, on reste un peu dans l'esprit, tu notes. Qui paraissent désuets quand comparé à la qualité de l'écoute de cette radio chinoise. Donc, la population totale de Guangdong, 87 millions d'habitants, donc 41 France. Millions d'actifs. Bon, ça sert pas à grand chose comme chiffre. 437 habitants par kilomètre carré, c'est quand même beaucoup. Revenu annuel 9380 RMB en zone urbaine et 3608 RMB en zone rurale. C'est que personne ne sait ce que c'est que le RMB. J'allais te poser la question. Non. Donc si quelqu'un sait, c'est la monnaie de là-bas, la monnaie de Guangdong. Guangdong. La superficie de la province 178 000 km². Pas mal. Hein. Donc la ville de Guangdong est la capitale provinciale, c'est quand même bien. Et le secrétaire du comité du Parti communiste chinois. Faut le dire, là-bas c'est. Ouais. C'est ah oui, c'est, parce que là c'est les cocos, c'est officiel, ouais. Donc c'est monsieur Tang Daiyang. J'espère que vous avez noté, hein, si vous allez faire un voyage à Guangdong, qu'il faut dire bonjour à monsieur Wang Dang. Tang Daiyang. Qu'est-ce qu'on sait d'autre à propos de cette. Alors le gouverneur, monsieur Louis Riowa. Ouais, il est sympa. Ouais, ça va, j'ai discuté avec lui un peu, il est cool. Hein. C'est quelqu'un de bien. Deux, trois petits trucs de judo, là, je lui ai montré comment on faisait du judo. Je lui ai appris, quoi, parce que c'est en France que le judo a été inventé, tout le monde sait ça. Bah, évidemment. Et les vice-gouverneurs, donc bon, on va en citer quelques-uns, hein, monsieur Yu Nengfeng, monsieur Li Hongdong, hein, monsieur Zhong Qigang. Finalement, des noms qui ne vous évoqueront rien. Voilà. Comme d'ailleurs la radio qu'on vient de vous diffuser, c'est ça le principe du côté voilà, de la FM. C'est ça qui est bien aussi dans Assassin Millennium, c'est ça qui est bien. Et dans les radios, dans du club, ce qu'on aime. Dans toutes les radios, c'est ça qui est bien. Tiens, tu prends là c'est par exemple fois, ZHBS, ce qui est bien, c'est qu'on ne comprend rien, et peut-être c'est peut-être la radio qu'on aime écouter. Merci. Peut-être que des gens nous écoutent et qu'ils ne comprennent rien non plus. Non, bah c'était du côté de la FM, une rubrique pour vous faire voyager. Mais c'est pas fini, parce que moi j'avais une question. Qu'est-ce qu'on peut faire à part écouter la radio à Guangdong? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que font les Chinois? Ah donc, il y a un top 3 des meilleures activités. Comme quoi, il y a de la préparation. Donc, si jamais vous préparez des vacances à Guangdong, on va vous donner les activités que vous pouvez faire là-bas. Alors, en 3, parce qu'on commence par le moins bien, forcément. Il y a le Festival International de Cerf-Volant de Weifang dans le Zhangdang. Il faut dire que les Chinois, particulièrement à Guangdong, sont assez fans de cerf-volant. Ouais. Puis bon, c'est quand même le numéro 3, mais c'est déjà béton comme occupation. C'est pas mal comme activité. C'est déjà bien. Ça vous coûte pas cher en plus. Bah ouais, c'est bien. Alors après, numéro 2, des séjours de méditation dans le collège bouddhique. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Si vous vous emmerdez pendant vos vacances, allez à Guangdong. Vous pourrez d'abord écouter la radio ZHBS qu'on vient de vous diffuser, mais également pratiquer la méditation. J'avais envie quand même de vous en donner un petit avant-goût. Allez, soyons fous. C'est possible ? Un petit peu de méditation ? Allons-y. Ouais, je crois que l'heure s'y prête. J'ai récupéré ma flûte. Celle que. C'est bien parce que t'arrives à jouer de la flûte et parler en même temps. Mais ça, c'est une spécialité. Hein. C'est ça qui est beau. Alors, méditation, qu'est-ce que vous allez faire à Guangdong dans les stages méditation ? Écoutez bien ma voix surtout. C'est important. Alors, vous allez déjà vous détendre. Tu vas te détendre, Julien. Ça va te faire du bien. Je suis détendu. Ah, écoute-moi bien. Tu vas t'imaginer sur une falaise. Et je saute. Non, tu entends ma voix. D'abord, tu écoutes ma voix, c'est important. Oui. Tu regardes le ciel. Bleu. Blanc. Au-delà des nuages, tu aperçois le lac Titicaca, bien loin des merveilleuses montagnes de Chancrin, où jadis tu courais nu sur les plateaux recouverts de roses et de bépines. Le bépine, hein, la fleur qui te fouette le corps et qui te transporte vers l'au-delà, vers l'eau des Pyrénées, la seule qui désaltère vraiment. Maintenant tu vas te réveiller, Julien, et tu vas nous indiquer la troisième activité. Donc le numéro 1. Numéro 1. Le numéro 1 est l'observation d'oiseaux près du lac Boyang. Le Yangtze. Voilà, peu de recueillement parce que on finit la séance. Donc, activité numéro 1, tu l'as dit, le must du must à Guangdong, c'est observer les oiseaux. Les oiseaux. Près du lac. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Chut, les oiseaux, pas de bruit. Ne vous endormez pas. Sinon, les oiseaux vont s'envoler. Voilà, écoute bien. C'est un spécimen très rare qu'on ne trouve qu'à Guangdong. Non, il veut pas. Il veut pas. Cet idiot ne veut pas lire mes oiseaux. Il s'est envolé. Tant pis. Attends, moi j'en ai un d'un oiseau. T'as un oiseau ? Ah oui. Vas-y, parce que moi j'en ai plus. Hein. Écoute. Ah, c'est merveilleux. C'est beau les oiseaux. C'est beau les oiseaux. Eh bien voilà, je pense qu'on a conclu très très bien cette rubrique. On va se réveiller hein, tout doucement. Voilà. Tout doucement. Encore un petit coup d'oiseau ? Tu veux un petit coup d'oiseau ? Pas de problème. Un petit coup d'oiseau encore, c'est bien. Vas-y, un petit coup d'oiseau. Là, vous y êtes à Guangdong, hein ? Vous y êtes, hein ? Bande de petits chanceux. On vous a fait voyager. Vous ne vous en êtes pas rendu compte chez vous. On vous a fait voyager en 2 minutes à Guangdong pour pas un sou. Et ça, c'est beau. Et en plus, vous avez entendu des oiseaux chinois. Vous vous êtes rendu compte qu'ils n'ont pas le même parler que les oiseaux de France. Et ça, c'était grâce à vos animateurs préférés, Julien et Jack, et puis toute la troupe hein, qui est pas là dans le club. Quand même, la seule émission qui vous a fait voyager pour pas un sou. Non, par l'électricité, pour la radio. À travers les ondes FM, tout à fait. Bah voilà, c'est une affaire qui marche. On va quitter doucement cette belle province de Guangdong. Et puis on leur dit à bientôt. Dans la prochaine émission, on trouvera encore d'autres destinations exotiques. Je sais pas, peut-être le Brésil, peut-être l'Inde, peut-être peut-être une ville à l'étranger, Dunkerque. On va être fou. On ira peut-être sur les plages de Dunkerque, voir s'il y a des radios là-bas. De toute façon, nous, on traque les radios et on est là pour vous les diffuser. Voilà, c'est beau, c'est bien. Et on va tout de suite attaquer avec de la musique, quelque chose de très différent pour attaquer. Justement, vous aimez la Chine, ils sont très forts dans les dessins animés. Ils sont sortis il y a quelques années maintenant, Froggy Mix. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. Deux filles excellentes dans un dessin animé, ça donne ceci. Ah ouais. Tu connais, hein, toi qui es fan de la Chine. Là, on pourrait repasser le son de tout à l'heure, le son du jour. Je pense que ce serait possible. On va leur sortir. Froggy Mix, c'est tout ce que j'avais pour vous rappeler la Chine. D'ici quelques instants, qu'est-ce qu'on fait, Julien, dans la suite de l'émission ? Bah, moi, je vais aller débrancher la parabole. Ouais. Déjà, après, parce que ça va éviter de nous coûter trop cher. Après, il y a l'interview du club, la phrase du jour, un sketch et le canular téléphonique. On va se concentrer sur la phrase du jour et avec le défi qu'il va falloir la replacer pour demain. Donc, Julien, bravo d'avoir relevé le défi. Ah oui. Tout de suite, Froggy Mix, non, pour nous réveiller un petit peu de cette méditation, hein. Voilà, c'était Froggy Mix, nan. Et vous retournez dans le club. Salut. Salut, c'est Julien. Salut. Salut, c'est Jacques. On vous accompagne pour le club, l'émission la plus VIP de la bande FM. D'ici quelques instants, on va attaquer avec la phrase du jour. Ouais. Et le défi de Julien, il s'est proposé, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc surveillez, si vous êtes un ami de Julien, surveillez-le. Peut-être qu'il va vous faire une phrase du jour, une confidence. Oui. Dans la phrase du jour aujourd'hui, c'est... Alors j'aimerais l'écouter tout d'abord. Voilà. Qu'est-ce que Puis la phrase après, du jour le but du jeu sera de... Donc de replacer cette phrase dans une conversation dans la journée de demain. Voilà, c'est pas évident. Sans que la personne en face se rende compte que j'ai replacé la phrase du jour. Donc bien sûr, si c'est une personne qui n'a pas écouté l'émission, c'est plus facile. Vous-même, chez vous, auditeurs, si vous voulez demain ressortir la phrase du jour dans un de vos devoirs, puisque peut-être que vous êtes étudiant, c'est possible aussi. Peut-être que vous faites des rapports, essayer de ressortir la phrase du jour dans un rapport, ça va pas être évident, puisque... Notre acteur du jour, c'est un acteur hein, qui nous a dit la phrase du jour, c'est Jean-Claude Van Damme à propos de... Oh là, vous allez voir quoi. Écoute, ça va pas être facile à replacer. Hein. On est tous homo. Expliquez pourquoi. On est tous homo. Il y a le homosexuel et il y a le homo, parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans ma glace. Pourquoi? Ouais. Pour avoir un beau corps. Ouais. Okay. Alors, on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux. Ouais. Alors, j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo? Ah, c'était toute la question. Ah oui. Voilà, Julien. Je crois qu'il avait dit ça sur le plateau de Love Story, je crois. Pas tout à fait. Je peux pas donner ans, mes hein. sources de phrase du jour, mais je te dirai en antenne. Et après, il disait également qu'il aimait. Oui, moi j'aime les nains. J'aime les nains qui savent peindre. À chaque jour suffit sa phrase, comme dirait l'autre. Ah, mais non, mais je connaissais déjà cette phrase. Donc aujourd'hui, la phrase du jour, c'est nous sommes tous. Homo. Nous sommes tous homo. Et c'est ce que tu devras replacer demain. En un sens, il a raison, parce que Jean-Claude Van Damme est un grand philosophe qui réfléchit sans cesse à ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'en un sens, on est tous homo. Bah oui, écoute, bien entendu. C'est magnifique. Après, il y en a qui sont plus que d'autres. Bon, ah bah certains beaucoup plus même. T'as toujours une petite partie d'homosexualité en toi. Inavoué ou avoué. Il reste à ton défi. Bon, chez moi, c'est une très petite partie d'homosexualité. C'est arrangeant quand même, hein. Quand elle est trop grosse, ça... c'est bizarre quand même. Alors, Jean-Claude Van Damme qui va nous lancer le prochain titre qui va être Placebo, The Bitter End. Qu'est-ce qu'on retrouve juste après, mon ami Julien? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la suite du programme? Après, il va y avoir un sketch et le canular téléphonique. Ah, le sketch très bon. Jean-Claude Van Damme, on est tous homo? On est tous homo. D'accord. Allez, il va nous lancer Placebo. On est tous homo. Il y a le homosexuel et il y a le homo, parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans ma glace. Pourquoi? Ouais. Pour avoir un beau corps. Ouais. Okay. Alors, on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux. Ouais. Alors, j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo? Second time that I le club. Vous écoutez le club. Voilà, toujours en compagnie de Julien, toujours en compagnie de Jack. Julien, oui. Oui, bonsoir. Cette troisième partie va être fatale. Voilà. Grosse fatigue. Mais pourtant, il n'y a pas d'heure. Le club est intemporel. Ah oui, mais allez, je suis fatigué toute la journée en fait. Ça ne change pas. Grosse fatigue. Du matin toute au soir, tout fatigué. Troisième partie donc, voilà. Qui va continuer sur. Par contre, tu vas lancer, je crois, la chose. Donc, c'est un sketch. Un sketch autoproduit de la radio. Ce qui est bien de dire autoproduit, ça fait l'émission qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, on a beaucoup de moyens. Au moins. Au moins 10 euros sur l'année, quoi. Au moins. Alors, c'est un sketch qui concerne le Tour de France. On le sait, le Tour de France, cette grande épreuve durant l'été. Oui. C'est également une épreuve qu'on aime redécouvrir. Voilà. Et là, je vous propose de réécouter un Tour de France un peu particulier. Oui. C'est le Tour de France en charentaise. Ah. Écoutez, ça va beaucoup donc, moins vite. Moi, je vais vous dire au revoir. Ciao. J'espère que je vous ai pas trop. Mais si. Que ça vous mais a si. Plu, mais oui. Que ça vous a plu l'émission. Voilà. Voilà. C'est tout. Ciao. Au revoir. Et puis, va pas trop vite en charentaise. Hein. Bonsoir. Le Tour de France en charentaise. Oui. On y va. Allons-y. Et ciao. 300 coureurs, plus de 600 paires de charentaises, 110 km à parcourir, soit plus de 110 000 mètres, 1 100 000 décimètres, soit plus de 11 millions de centimètres, le Tour de France en charentaise, la plus importante course de chaussons jamais réalisée dans le monde. Bonjour et bienvenue sur le Tour de France en charentaise pour la première étape entre Toulouse-Saunier et Toulouse-Saunier. Nous retrouvons Bernard Pecnot en direct de l'hélicoptère du Tour de France en charentaise pour suivre cette première étape. Bernard, vous m'entendez ? Oui Jean-Paul, je suis dans l'hélicoptère du Tour de France. Nous survolons actuellement Lons-le-Saunier dans le Jura pour l'étape entre le panneau d'entrée Lons-le-Saunier et le panneau de sortie Lons-le-Saunier, une étape de plus de 2 500 km, soit 2 500 000 mm. La course a été lancée voici une heure et c'est le vétéran Laurent Jabot de Vert qui a pris la tête avec ses charentaises semelles Maxi Crass. Jabot de Vert court pour l'écurie Maxi Crass et c'est un des favoris du jour pour la conquête des charentaises jaunes qui récompense le leader du Tour de France. Oh, une échappée, l'italien Marco Cipolletta qui court sur charentaise Nike Air Fresh. Il est parti en tête, tiendra-t-il avec ses charentaises? On se quitte avec une page de pub. On se retrouve pour l'arrivée de cette première étape entre Lons-le-Saunier et Lons-le-Saunier. Le Tour de France en charentaise. 300 vétérans s'affrontent tout l'été sur les plus belles routes de France. Qui l'emportera? Réponse cet été. Vous avez toujours rêvé d'arborer les charentaises Max Dicras. Dès le matin, chaussez vos Max Dicras. Petit déjeuner avec vos Max Dicras. Une course à faire, n'hésitez plus. Gardez vos Max Dicras, les chaussons passe-partout. Max Dicras, la charentaise passe-partout pour les amoureux du cocooning. Le Tour de France en charentaise, 300 vétérans s'affrontent tout l'été sur les plus belles routes de France. Qui l'emportera? Réponse cet été. De retour sur la course du Tour de France en charentaise, je vous rappelle que Marco Cipolletta a réussi une superbe échappée qui lui permet de passer en tête avec ses charentaises Nike Air Fresh. Il est passé à plus de 5 km/h, vous entendez bien 5 km/h au dernier pointage. Si Laurent Jabot de Vert et ses coéquipiers ne réagissent pas, la victoire est acquise pour l'Italien. Il semble bien qu'aujourd'hui il soit invulnérable. Aujourd'hui, victoire d'étape. Oui, il vient d'arriver à l'instant même, Marco Cipolletta. 1h27 minutes 30 secondes pour 2 500 km. Une sacrée performance, je vous rends l'antenne Jean-Paul. Victoire italienne. Cette première étape voit la consécration de l'Italien Cipolletta qui semble cuit au premier kilomètre mais qui a magnifiquement réagi. Demain, Jabot de Vert devrait réagir pour remporter le maillot jaune. Ton voisin, il a tendance à écouter ça jusqu'à 5h du mat. Nous, on va lui faire découvrir ceci. Génération Millennium. Génération Millennium. Laisse parler la zik. Feeling pain deep in my soul. À l'instant, sans transition aucune, c'était I'm Just a Man dans la radio évidemment. Vous écoutez le club, l'émission la plus VIP de la bande FM d'ici quelques instants. Et c'était pas noté dans cette troisième partie, mais on va vous offrir la chanson du jour et plus précisément la chanson ringarde du jour. Donc ça sera d'ici quelques instants. Et puis vous aurez le droit de retrouver un artiste qui est carrément très bon, hein. Nous on le trouve très très bon. Ça va être le tube du jour, le tube le plus naze. Bon, on dit naze, c'est par effet de style, parce que vraiment franchement il est pas naze du tout. Et quand vous l'entendrez, vous direz: ah bah non, il avait raison Jack, il est pas naze l'artiste qu'on va retrouver. Je peux pas vous en dire plus, ça va être la surprise. Ça va être le tube le plus naze d'ici quelques instants. Et puis du côté de cette troisième partie, nous retrouvons également le canular téléphonique très grand moment où nous avons piégé une personne, disons piégé avec sa complicité, vous allez voir pourquoi d'ici quelques instants. Là, sur ce très bon fond sonore, nous allons enchaîner toujours avec je dirais une perle musicale, ça s'appelle Coco Sunshine. Écoutez bien, c'est magique. Ah ouais, magique carrément. Sunshine, sunshine, bright and bright. club, le club, l'émission la plus VIP de la bande FM. VIP de la bande FM. VIP, ça veut dire que tu l'écoutes ni en charentaise, ni en pyjama. Ok, merci. Bah oui, effectivement, vous êtes dans le club. En direct, présenté par Jack lui-même, également tous ses complices hein, qui se sont évanouis. Évanouis, mais qui reviendront pour les prochaines parties. Dans cette émission Le Club, évidemment, on vous présente des artistes musicaux, des artistes du musical, des artistes de la variété et des artistes tout court. Je pense que l'artiste qu'on va vous présenter est un artiste tout court, mais vraiment tout court. Alors je vais vous donner un peu sa bio. Il est né à Niort, dans les Deux-Sèvres, enfin ça tout le monde le sait, le 15 octobre 1972, donc il est relativement jeune. Il a commencé le violon à 10 ans, avec Bertrand Gilco, hein, qui est à Niort évidemment. Après un bac C, il se rend compte qu'il n'est pas fait pour les études et opte définitivement pour la musique où, paraît-il, il a du talent. Il passe à l'alto où il travaille avec Michel Michalak au CNR de Boulogne-Billancourt, hein, pour ceux qui connaissent. Il a un premier prix au concours Léopold Bellan en 95, donc reconnu. Il s'agit de David, c'est son pseudo musical, David. Et là, je vous propose de retrouver une de ses chansons, J'ai mis du lard, attention, chanson de David Moutal. Attention, vous êtes prêts, artiste renommé. Ça commence plutôt bien. Il aime bien la flûte, il aime bien le violon, on le sent. Mais à un moment donné, il va chanter, et là, c'est peut-être là son erreur, peut-être. J'ai mis du lard dans ma guitare pour faire venir mes chansons. Et 300 grammes d'épinards pour qu'on entende bien le son. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne me croient pas. Quand je leur dis, quand je leur chante, ils ne m'écoutent pas. David Moutal, donc, grande carrière en 95, je résume, le prix en 95 de l'alto, le prix de l'alto. En 94, donc, en 95, le prix Léopold Bellan. En 97, le prix des jeunes altistes, qui permettent de financer deux voyages en Grèce, où il tombe amoureux de ce pays. Évidemment, il sortira de très belles chansons. On continue avec David Moutal et une chanson très peu connue hein, de lui. Il s'agit de Cosmopholie, sortie en 2002. Écoutez bien, Cosmopholie, c'est un de ses plus grands tubes. Et toujours, on reconnaît la griffe, la patte, je dirais, hein, David Moutal, puisque il orchestre lui-même ses mélodies et il écrit lui-même ses paroles. Et évidemment, puisque c'est un artiste complet, il chante lui-même. Peut-être est-ce là, hein, je le répète, mais peut-être est-ce là son erreur. Donc, on écoute Cosmopholie, le deuxième tube en folie de David Moutal, un grand succès, hein, puisqu'il en vendra près de 400 exemplaires. Il y a 15 milliards d'années, quand le temps n'était pas né, on vivait en toute tranquillité. On n'était jamais pressé, on mourait en bonne santé. Sympa. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais voilà qu'est arrivée une bande d'excités. Ils voulaient tout changer, tout recommencer. Faut lui reconnaître quand même qu'il a le sens de la mélodie. Il y avait les familles quarks, deux, trois frères et trois sœurs. Up and down, strange turn, top and il se lance des fois en anglais, c'est magnifique. Voilà David Moutal, donc c'était la présentation de cet artiste né à Niort dans les Deux-Sèvres et qui nous fait quand même des choses pas mal sympathiques. C'était le tube le plus naze. Allez, j'espère qu'il écoutait pas. Puis persévère, hein. Il y en a d'autres qui ont commencé peut-être un petit peu plus difficilement et puis qui pourtant maintenant figurent en haut des affiches des plus grands concerts. On va lui souhaiter courage à David Moutal et puis on essaiera de vous trouver pour la prochaine fois encore plus de tubes nazes. Là, on va enchaîner avec la suite car se rapproche l'heure du canular téléphonique, ce que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. On a piégé quelqu'un et on a été plusieurs à le piéger. Vous verrez d'ici quelques instants ce canular d'une rare intensité émotionnelle, d'une rare intensité rigolomatique. Superbus à venir avec Superstar d'ici quelques instants, donc ce fameux canular téléphonique, la grosse poilade en perspective. Superstar, Superbus évidemment. Vous écoutez le club qui vous accompagne avec Jack évidemment et on va attaquer avec l'énorme de l'émission, c'est-à-dire le canular téléphonique. Ouais, c'est bien d'être resté jusqu'au bout de la troisième partie, c'est bien parce que vous allez être gâtés. Canular téléphonique, je vous explique rapidement le principe, c'est avec mon collaborateur Fabio. On a donc on s'est amusé à créer une série qui s'appelle Amour et contre-passion. Mais c'est une série qui a une particularité, c'est qu'elle est jouée par des vrais gens. Donc vous, par exemple, en l'occurrence, vous pourriez jouer dans Amour et Contre-Passion. Alors comment fait-on pour créer, pour réaliser cette série ? Eh bien, on téléphone à des personnes au hasard, pris dans l'annuaire, et on leur donne du texte. Alors des fois, elles veulent, des fois, elles veulent pas. Et finalement, on arrive à créer comme ça une série en mettant bout à bout toutes les phrases. Et là, ça nous donne Amour et Contre-Passion. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va lancer Amour et Contre-Passion. Si vous n'avez pas compris, vous allez très vite comprendre, parce qu'on vous le réexplique encore, hein, puisqu'on est comme ça, nous, dans le club. Si vous ne comprenez pas, on vous réexplique. On lance, attention, Amour et Contre-Passion, le canular téléphonique de la décennie, voire du millénaire, voire peut-être même plus. Attention, C'est parti. Jack et Fabio réalisent un casting à travers toute la France. Alors on a besoin de candidates, donc on va caster. Vous êtes nombreuses à vouloir y participer. Ah oui, oui, mais moi ça ne m'intéresse pas ça. À l'issue de ce casting, une série radiophonique sera créée. Amour et contre-passion. Bah oui, mais moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est vous la vedette. Surveillez votre téléphone, vous pourriez bien décrocher le premier rôle. Allô ? Amour et contre-passion, le premier sitcom de radio-réalité. Allô ? Bonsoir, Benoît Jacour de la société Serial Production. On cherche actuellement des nouvelles voix pour une série radiophonique sur Riri Charbon, vous connaissez ou pas ? Pardon ? La radio sur le 109, vous connaissez ? Non, je la connais pas. Mais c'est une blague ou quoi ? Ah non, pas du tout. Non, non, sinon je vous appellerai pas. On nous a, on est actuellement en recherche de nouvelles voix et on fait des castings téléphone. Ah bon ? Pour cette série. Ouais. Est-ce que vous avez 2-3 minutes à nous consacrer ? Nous avons notre acteur Bobby Bob qui est là actuellement. Votre acteur de quoi ? J'ai l'impression que c'est une blague. Votre... Ah non, pas du tout. Sinon nous vous appellerions. Alors, prenez de quoi noter. Vous êtes quoi noter ? Non, j'ai rien là. Vous avez un stylo, une feuille ? J'ai rien du tout, attendez. Vous avez de quoi vous munir ? Je joue au jeu, hein. Tout à fait, allez-y. Oui, je vous écoute. Alors, vous avez 6 phrases. Ouais. Ouais. Et à l'issue de ces 6 phrases, bon, il y aura une réplique de Bobby qui... Arrêtez de rigoler parce que c'est quand même un travail de plusieurs semaines. Alors, on va y aller. Allô, Rebecca, c'est Bobby. Première phrase, d'accord ? Ouais. Bobby va être déçu hein, si vous rigolez. Pardon ? Bobby va être déçu si vous rigolez. Deuxième phrase. Ouais, je suis... Mon crayon n'écrit pas. Ah. Alors c'est quoi ? Allô ? Oui, allô Rebecca, c'est Bobby. C'est Bobby. Ok, deuxième phrase. Deuxième phrase, ça me dit quelque chose. Ça me dit... C'est bon ? Mmh. En plus, vous avez une jolie voix, hein, donc ça va, à mon avis, ça va bien se passer. Hein. Ah oui ? Ah oui, Bobby, pourquoi tu m'appelles ? Ah oui, Bobby, pourquoi tu m'appelles ? Vous avez pris des cours de théâtre ? Non. Ah. Autre phrase, tu disais. Il y a un problème, vous, ça n'écrit pas bien ? Mais non, mais ça me fait trop rire votre truc. Oui, c'est beaucoup de... Mais ça nous fait plaisir, hein, c'est beaucoup de mois d'écriture, donc... Tu disais. Tu disais. Voilà, tu disais. C'est l'autre phrase. D'accord. Ensuite, essai les pruneaux. vous l'avez déjà lu ? Non. Vous êtes auditrice ou... Essai les pruneaux. Voilà, c'est okay. Ça. Et après, c'est une autre phrase, c'est « Oh non ». C'est « Oh non ». Je vais finir, vieille fille. On va... Bon, ça suffira pour ce... Bon. Et puis après, « Je ne pleure pas », c'est la dernière. Ou si vous avez un tout petit peu d'espace, « Je ne pleure pas ». Vous les avez ? Ouais, je ne pleure pas. Récapitulez-moi les phrases. Ça voilà. Dit quelque chose ? Voilà. Ah, oui, Bobby. Pourquoi tu m'appelles ? C'est ça, deuxième phrase. Tu disais... Voilà, troisième phrase. Et c'est les pruneaux. Voilà, quatrième phrase. Oh, je ne veux pas finir vieille fille. Voilà, tout à fait. Et dernière phrase. Je pleure pas. Voilà. Bobby va rentrer en action. Donc, je vous présente Bobby. Bonjour. Bonjour. Ça ne vous dérange pas de jouer juste un petit morceau avec moi ? C'est pour... on cherche donc des nouvelles voix, hein, comme mon partenaire a dû vous expliquer. Alors, si vous voulez, je vais donner la première réplique et puis vous répondez tout simplement, d'accord ? Allô, Rebecca, c'est Bobby. Ça me dit quelque chose. Je suis ton fiancé, souviens-toi. Pourquoi tu m'appelles ? Eh bien, depuis quelques mois, je te trouve plus distante. Comme si tu ne m'écoutais plus, comme si je ne suscitais plus d'intérêt à tes yeux, comme si tu étais sourde à mon amour. Tu disais ? Ça n'est plus possible, Rebecca. Mon cœur est déchiré par tant d'indifférence. Je passe mes journées à me lamenter sur la cuvette de mes toilettes. Je n'ai plus de solution. Bref. Et appelez-moi immédiatement dès qu'elle reviendra. Ouais. Je ferai tout ce que je peux. Vous êtes vraiment des chic types à Miami. Voilà, là c'est du générique. Ça, c'est excellent. Ça, c'est du générique tiré. Ça, c'est bon. Ça, c'est du son télé aussi. C'est clair. Ah, tout à fait. Là, je sens que Alain là, est remonté. Là. Il est à Miami, là. Il a chaussé sa paire de Ray-Ban. Oh, pas de marque. Oh là là. Ah. Ah, tiens, tu me taperas sur les doigts la prochaine fois. D'accord, ça marche. Bon, moi, allez. Je plus, ah, je ne gênerai pas, tiens. Plus en ambiance Vice City. Oui, également, c'est un jeu également, ouais, tout à fait. On va dire au revoir à Bretto, on va dire au revoir à Alain, puis on va dire au revoir à moi-même. Ciao. Salut Mister Jack, puis excellente, excellente émission. Ouais, enfin. C'était bien ça. Ça, c'était un mot de la fin. Pour une fois. Hein ? Il n'y a eu qu'une partie. Il n'y a eu qu'une partie. C'est une partie, tout à fait. Et puis bientôt la troisième, la deuxième. Il faut déjà commencer par la deuxième. Puis après, bon, on vous dit au revoir. On clôture cette première partie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous avez retrouvé le site internet consacré à la magie, c'était sympa. Le journal, qui était très sympa. Il y avait quoi d'autre ? Le bêtisier, sympa. Ouais, le bêtisier. Sympa. Ouais, c'était bien ça. C'était cool. Ah, c'était cool. Et puis la spéciale série aussi. On s'en est tapé une bonne tranche. Hein. Une bonne tranche d'émission. Au revoir à tous, à très bientôt, salut. À bientôt. Et puis comment, soyez prudents et sortez couverts. Et ratez pas la deuxième partie, hein, ça se trouve c'est juste après, donc ratez pas. Ratez pas, on revient juste après à ça. À tout de suite. Le club de la bonne musique. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Allez, on va, le club, laissez parler vos envies. Eh oui, et on en a des envies dans le club, n'est-ce pas Alain ? Tout à fait. Le club, c'est une émission proposée par Jack, moi-même, par Thomas, par Julien, par Bretto quand ils sont là. Et puis, nous a rejoint dans les studios pour venir co-animer Alain. Oui, c'est bien moi. Formidable. Oh, je suis boosté pour une troisième partie de folie. Je suis parti pour une troisième soirée. Enfin, une troisième... troisième partie, ouais. Troisième partie. Tout voilà. À fait. Tout à fait. Avec un sommaire, je ne vous dis que ça. Vous retrouverez du côté de la FM, on va se brancher à une radio quelque part dans le monde. C'est vrai ? Ouais, en direct. Oh, on a de la chance, hein. Le tube le plus naze. Le tube le plus naze. Et ça va être naze. Alors, il y aura également la phrase du jour. C'est plutôt sympa, ça, la phrase du jour. Ouais. On retrouvera également... un sketch, un bon petit sketch, un canular téléphonique, et puis diverses choses bonnes pour les oreilles, évidemment. Ça s'appelle Le Club, et puis c'est maintenant. Et puis, c'est ça que vous écoutez actuellement. Et puis on est reparti. On est reparti avec, tiens, au hasard, un petit peu de musique. Puisque vous le savez, il y aura pas mal de musique dans l'émission, c'est aussi le principe, une émission musicale de divertissement, avec de la musique. Et pour la musique, je vous propose tout simplement... un truc bien sympathique, c'est pas très connu. À mon avis, ça va te plaire, Alain. Toi qui aimes bien mouver ton corps. Ah, on va bouger là. T'aimes bien mouver ton corps. Hein. J'aime bien, j'adore. Ouais. Bon, bah, j'ai un truc rien que pour toi. Vas-y. Ça s'appelle. Attends. Oh oui. Je peux pas tout dire d'un coup, tout me dévoiler comme ça. Ça s'appelle. Je te le retrouve déjà. Hein. Ça, Je vais bouger dans mon corps. Ça s'appelle Praise. Praise. C'est pas si inconnu que ça. Hein. Dès que tu vas entendre les premières notes, à mon avis, tu vas commencer à bouger. Allez. Oh ouais, excellent. Shine on me. Ah, on est parti. C'est très connu en fait. Je vais bouger donc. Vas-y, bouge. Ah, ça y est, je bouge.